la journée, la plaie de maltraiter. Et chaque fois, Mandel divorce, lui tombe et crie. C'est fini de faire manger à la lessive, les soirs pour mal repasser. Ferme un film, tourne un zombie, ma couche est à l'heure et bonheur. Mais pas j'en joigne, merci beaucoup. Au contraire, c'est mauvais traitement. On dit que moi pas amoureuse, on dit que moi pas élégante. Affection, c'est pour mon dehors. Chérie, on nous divorce. On nous divorce. On nous divorce. Vous me criez, vous me gaffez. On nous divorce. On dit moi pas. Vous m'êtes bien fait. Pas de divorcer. Ou dis-moi pas.